Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Françoise Giroux, le journalisme au féminin. Françoise Giroux incarne l'indépendance, l'exigence, la solidarité avec toutes les femmes, avec les plus défavorisées et les plus jeunes s'engouent. Il y a un véritable engouement pour cette Françoise Giroux qui savait à la fois être belle, séduisante, amoureuse, une espèce d'icône à la fois de la mode mais une icône aussi intellectuelle. Une femme combative sur le plan politique et qui finalement s'est toujours montrée, et ce jusqu'à la fin de sa vie, une femme libre. La journaliste Laure Adler, à l'émission des Hôtels en mars 2011, au moment de la publication de sa biographie de Françoise Giroux. Françoise Giroux a marqué à la fois l'histoire du journalisme français en devenant, par exemple, la première femme à diriger la rédaction d'un magazine politique en France, le magazine L'Express, qu'elle fonde avec Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1953, tout comme elle a réussi à laisser sa marque dans le monde politique français en devenant secrétaire d'État à la condition féminine sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 1970. Le jour de ma naissance, mon père m'a jeté par terre, il voulait un fils. Puis il s'est rendu au consulat de Turquie à Lausanne, où il a déclaré d'une voix forte la venue au monde d'un enfant de sexe hélas féminin, qui porterait, que cela plaise ou pas, un beau nom, France. Cela ne plut pas. L'Empire ottoman avait été engagé dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. Mon père était condamné à mort car il avait refusé d'inféoder son entreprise, l'agence télégraphique d'information à l'allié allemand. Ainsi, dès les premiers jours de mon existence, je fus placée sous le signe de la culpabilité et de la rébellion. Coupable d'être fille, rebelle au pouvoir. Je crains qu'il ne m'en soit resté quelque chose. Extrait du documentaire Françoise Giroux, autoportrait, réalisé par Dominique Gros en 2014. Pour faire le portrait, justement, de Françoise Giroux, je reçois la journaliste littéraire Danielle Lorrain. Danielle Lorrain, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlez-nous de l'importance qu'elle a eue, Françoise Giroux, dans la vie publique française. Et dites-nous peut-être déjà en quelques mots qui elle est. Qu'est-ce qu'elle représente, Françoise Giroux? Bien, je pense que c'était avant tout, et c'est resté pour plusieurs, une grande figure du monde journalistique français, une autodidacte pour qui le journalisme était une véritable passion. Elle était de son propre aveu un bourreau de travail et elle a travaillé jusqu'à la veille de sa mort. En janvier 2003, elle était âgée de 86 ans. Vous parliez de portrait, eh bien elle-même, elle était une portraitiste extraordinaire. Ouais. Elle savait peindre à la fois les hommes politiques, les femmes de pouvoir, les artistes. Elle savait s'immiscer dans tous les milieux. Et bien sûr, elle avait le verbe tranchant. Elle avait un sens de la formule remarquable, ouais, comme journaliste. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit l'expression « la nouvelle vague », en parlant du cinéma français qui commençait dans ces années-là à se renouveler. Elle a publié des milliers d'articles, mais aussi beaucoup, une trentaine d'ouvrages, de livres de toutes sortes. Elle a publié des romans, des essais, plusieurs livres à saveur autobiographique où elle raconte en partie sa vie, mais je dis bien en partie parce que on entendait tout à l'heure Laure Adler, dans la biographie qu'elle consacre à Françoise, elle dit que c'est une femme qui avait plusieurs vérités, ouais, qui avait des rapports compliqués avec la vérité. Et franchement, elle n'a jamais tout dit d'elle-même, elle avait de gros secrets, elle avait des zones d'ombre. Et l'une d'elles, c'est que jusqu'à sa mort, elle a refusé de dire qu'elle avait des origines juives, suite à une promesse qu'elle avait faite à sa mère. Donc, une femme qui va occuper beaucoup d'espace dans l'écriture, qui prendra toutes sortes de formes, l'écriture journalistique au premier chef, mais plus que ça, qui sera aussi, puis on y reviendra, qui fera une incursion en politique active. Ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait. Ce sera pas très long, mais quand même, elle fera, sur le plan de la condition féminine, elle fera faire de nombreuses avancées aux Françaises. Vous l'avez rencontrée, Françoise Giroux, oui, et Danielle Lorrain. Parlez-nous d'elle, quel genre de femme elle était, quels souvenirs vous gardez de ces rencontres, de ces discussions que vous avez eues avec elle. Très, très précieux comme souvenir. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est en 1997, donc comme journaliste. Elle venait de publier un récit autobiographique dont le titre est « Arthur ou le bonheur de vivre ». Donc, elle avait 81 ans. Elle m'a reçue chez elle à Paris. Je me rappelle des toiles au mur de grands maîtres. Je me rappelle de sculptures modernes un peu partout, mais aussi de bibelots, de dentelles, de livres à reliure dorée. Je me rappelle qu'elle se tenait le dos bien droit, qu'elle était très chic. Hein? Tantôt, Laura Adler disait « icône de la mode ». Elle oui. est restée jusqu'à la fin très, très soignée. Ongles parfaitement manucurés, très, très rouges, très, très longs. Et je vous dis ça parce que l'image que j'avais, c'est que Bernard Pivot avait dit d'elle quelque temps avant que je la rencontre, il y a un style Giroux au physique comme dans l'écriture, velours ou griffes. Et je me demandais si elle allait sortir ses griffes vis-à-vis moi. J'étais très impressionnée, même un petit peu terrorisée. J'avais parlé au téléphone un peu avant. Elle était distante. Et donc, quand je suis arrivée là, je me suis dit, ah, comment je vais la prendre? Ouais. Et franchement, les premières minutes d'entrevue, ça ne marchait pas du tout. Elle me coupait la parole. J'avais l'impression que mes questions étaient sans intérêt pour elle. Puis je me disais, elle va me congédier bientôt. Ça va pas fonctionner. Et comment ça s'est mis à très bien fonctionner? Je lui ai parlé dans son livre, donc Arthur ou le bonheur de vivre, où elle raconte une partie de sa vie. Elle parle de son fils Alain qui est mort dans un accident. En fait, il était mort 25 ans avant que je la rencontre. Mais dans son livre, elle en parle et elle dit que c'est la pire chose, l'épreuve la plus difficile de sa vie qu'elle a vécue. Alors, je me mets à lui parler de cette épreuve. Et là, le masque de froidure, de distance tombe. Elle me regarde émue, les yeux un peu mouillés. Et je vous dirais, là, la connivence s'installe. Elle reste très digne, hein. C'est pas le genre à s'apitoyer et tout ça. Très digne, mais l'armure tombe. Et à la suite de ça, je la rencontre une autre fois quelques années plus tard pour un essai qu'elle a fait sur le féminisme. Et puis la dernière fois, c'est un an avant sa mort. Elle a 85 ans. C'est au téléphone. Je fais un portrait d'elle pour le magazine Châtelaine et je me rends compte qu'elle n'a rien perdu de son aplomb, de sa lucidité. Elle travaille encore chaque semaine pour le Nouvel Obs, Nouvel Observateur, où elle fait une chronique. Elle est en train de terminer un roman, puis elle écrit une nouvelle biographie. Ouais. Et cette femme que vous rencontrez au moment où elle a à peu près 80 ans, c'est quelqu'un qui est bien établi, c'est quelqu'un qui compte, elle fait partie du Paris qui compte. Juste vous entendre nous décrire le lieu dans lequel elle vit, on comprend tout de suite à qui on a affaire. Mais il faut dire, pour revenir à ses origines, que tout ça n'était pas gagné d'avance. Parlez-nous un peu de ça. Elle est partie de très loin, François Giroux. De nulle part, ou presque. Bon, on entendait tantôt parler de son père, donc il avait quitté Istanbul, où il avait son agence de presse ottomane. Bon, il s'est établi d'abord en Suisse, mais surtout en France. Et donc, son père était très souvent absent. Et quand elle a 11 ans, son père meurt après avoir passé plusieurs années aux États-Unis. Il a été très malade. Il était revenu en France. Bref, elle a 11 ans. Sa sœur aînée a 17 ans. La mère se retrouve à peu près sans ressources. Et ce ne sera pas très long que c'est elle, Françoise Giroux, qui va devenir le soutien de famille. Elle va suivre des cours de sténo-dactylo. Elle va travailler un peu comme libraire. Puis, dans le milieu du cinéma, en fait, elle a 16 ans quand elle travaille auprès du réalisateur Marc Allégret comme script sur le film Fanny de Marcel Pagnol avec Rému. Ensuite, elle va travailler comme assistante metteuse en scène auprès de Jean Renoir, entre autres pour La Grande Illusion, etc. Donc, elle va aussi rencontrer des gens influents qui, par la suite, vont beaucoup l'aider. Oui. La Seconde Guerre mondiale, ce sera pour elle, comme pour beaucoup de monde, une période très houleuse. On pourrait faire une émission complète que là-dessus. Tout à fait. Mais en quelques mots quand même, racontez-nous ce que ça voudra dire pour Françoise Giroux, cette Seconde Guerre mondiale. Bien, d'abord, on peut dire qu'elle est arrivée au journalisme par hasard parce que au début des années 40, pendant l'occupation allemande, il n'y avait pas beaucoup de travail dans le cinéma. Elle décide de partir pour Lyon en zone libre. Et c'est là qu'elle va faire ses premiers pas en journalisme à la rédaction de Paris Soir. Et puis, en 42, elle rentre à Paris. Elle va s'engager dans la résistance auprès de sa sœur. Sa sœur va être arrêtée par la Gestapo 2 ans en camp de concentration. Françoise Giroux, elle, va rester quelques mois en camp de concentration puis être relâchée. Et donc, ce sera toujours marquant pour elle de voir sa sœur traumatisée par cette expérience des camps de concentration. À l'époque, elle a déjà un enfant, son fils dont je vous ai parlé. Elle va aussi avoir une fille peu de temps après, Caroline. Elle parle de sa fille, en fait, comme sa grande fierté, qui va devenir psychanalyste, pédopsychiatre, etc. Et donc, elle a épousé à ce moment-là le père de sa fille, mais ça va pas durer. Elle va assez vite se séparer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir la charge de ses deux enfants économiquement, et c'est sa mère qui va rester auprès d'elle, qui va s'occuper d'élever les enfants. Ouais. Donc, le journalisme qui arrive donc au moment de l'occupation, dans cette Deuxième Guerre mondiale, et puis juste après la guerre, en 1946, là, vraiment, c'est son premier, enfin, son premier coup d'éclat, si on peut dire. Elle atterrit au magazine Elle. Elle va d'ailleurs dire plus tard que c'est à elle qu'elle a tout appris. On l'écoute parler de cette aventure au magazine Elle à l'émission Femmes d'aujourd'hui, au micro de Sylviane Cahé, en 1966. Oh, c'était très satisfaisant et très amusant. Vous savez, c'était la grande pagaille de la libération. Hélène Lazareff est une femme très charmante, très séduisante, avec laquelle je m'entendais très très bien. Elle avait passé toute la guerre en Amérique et elle arrivait en France avec une connaissance des méthodes techniques que nous n'avions pas du tout ici, qu'elle a réussi à imposer avec beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Elle m'a appris beaucoup de choses. Si nous n'avions pas eu des rapports plus qu'agréables, enfin profondément amicaux et chaleureux, je pense que ça ne m'aurait pas amusé et que je n'aurais pas réussi non plus. Mais enfin, ça s'est très bien passé, c'était très satisfaisant et gai. Qu'êtes-vous devenu après cette première expérience? Eh bien, au bout de 7 ans d'un journal féminin, je dois vous dire que j'en avais un petit peu assez. Ça n'est pas très amusant de faire un journal féminin. Ça l'a été pendant un temps parce que il y avait tellement de choses à dire aux femmes et tellement de mythes à essayer de faire crever que j'y ai trouvé véritablement du plaisir. Et puis, elle est devenue une très grosse affaire, un journal dans lequel il n'y avait plus beaucoup de révolutions à faire, ou plutôt à travers lequel il n'y avait plus beaucoup de révolutions à faire, ou en tout cas qui soit faisable. À partir d'une certaine audience, dans un journal de cette nature, il ne faut pas essayer d'aller trop loin. Donc, on comprend bien pourquoi elle décide, à un moment donné, en écoutant cet extrait, de quitter le magazine Elle. Mais il reste que ce passage de 7 ans au magazine Elle, c'est un passage important pour elle. De quelle manière, Léonore? Bien, tout à fait, parce que tantôt, je vous disais, elle a fait ses premiers pas en journalisme au début des années 40, mais elle est restée là, quoi, même pas un an à ce journal. Donc, elle n'était pas encore vraiment journaliste quand elle arrive à Elle. Et quand elle dit que Hélène Lazareff lui montre tout, que la revue Elle, c'est là qu'elle a tout appris, c'est vrai. Et c'est là qu'elle va vraiment se démarquer par son esprit de concision, par son style direct en écriture. Mais elle dit qu'au bout de 7 ans, elle en avait un peu assez du journalisme féminin. Cela dit, elle pratiquait un féminisme avant la lettre dans ce magazine. Elle prônait l'émancipation des femmes, y compris leur émancipation financière. Elle disait aux femmes qu'elles avaient le droit de ne pas se marier, par exemple. Donc, c'était quand même une tribune importante. Ouais. Et ce qui n'est pas rien dans un magazine, d'aborder ce genre de thématique dans un magazine comme Elle. Donc, elle laisse sa marque au magazine Elle, puis arrive l'aventure de l'Express. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là qu'elle entre dans l'histoire du journalisme français, carrément. Extrait de l'émission, on en reparle dans un instant. Daniel Lorrain, on écoute d'abord cet extrait de l'émission française Caractère, animée par Bernard Rapp en 1990. Alors, dans tous ces hommes, parce que c'est essentiellement des hommes quand même, à l'exception d'Hélène Gordon-Lazareff, qui vous ont marqué, il y a bien sûr Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, vous en avez déjà parlé par ailleurs, mais vous avez cette phrase magnifique, vous dites « JJSS m'a inventé », et c'est surprenant. Oui, c'est vrai. Il m'a exactement inventé de la personne que je suis devenue, parce que à l'époque où il m'a demandé donc de devenir avec lui, enfin la co-directrice de l'Express qu'il voulait fonder, il n'y avait non seulement pas de femme qui dirigeait un journal non féminin, mais il n'y avait pas de femme chef de service dans la presse. Il n'y avait simplement pas de femme dans la presse, sauf encore une fois dans le journalisme féminin. Mais ailleurs, pas une. Au Monde, il n'y avait pas une femme à la rédaction du Monde. Il n'y avait pas une femme à la rédaction du Figaro. Donc c'était complètement fou de sa part d'aller chercher la directrice d'un journal politique dans un magazine féminin. Ça paraissait complètement fou. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a inventé, parce qu'il aurait pu m'aimer, il aurait pu me faire des cadeaux et m'offrir des brillants, mais ne pas imaginer de me donner cette responsabilité-là, qui est très très particulière. Mais vous, il avait confiance dans les femmes, dites-vous. Toujours, il a toujours eu confiance dans les femmes, oui. C'est donc en 1953 que Françoise Giroux fonde le magazine L'Express avec son compagnon de l'époque, Jean-Jacques Servan-Schreiber. La création de L'Express, Daniel Lorrain, c'est un point tournant, bien sûr, dans la vie de Françoise Giroux, mais plus que ça, dans l'histoire du journalisme en France. Tout à fait, mais je veux juste revenir sur le fait qu'elle disait, le fait qu'elle était la première femme dans un journal généraliste à diriger et tout ça. C'est extraordinaire d'entendre ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, elle va devenir un modèle important pour les femmes ensuite qui vont vouloir une tribune journalistique en dehors des magazines féminins. Elle est vraiment devenue une inspiration pour plusieurs jeunes journalistes à la suite de son bagout, de cette façon qu'elle avait de foncer, de s'imposer aussi dans un monde d'hommes. Et oui, un journal politique, c'était nouveau pour elle. Elle va vraiment développer une passion pour la politique. Et dès le moment où on crée l'Express en 53, le journal devient de combat, identifié à la gauche. On y dénonce, au milieu des années 50, par exemple, la torture en Algérie. Le journal va être saisi à quelques reprises. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que François Giroux va travailler avec des grands noms comme François Mauriac, Sartre, Malraux, Camus, qui vont tous collaborer à ce journal. Et elle va développer certaines règles qu'elle va édicter au journal. Alors, sa première règle est la suivante. Inutile d'avoir du talent à la cinquième ligne si le lecteur vous a lâché à la quatrième. Ouais. Quand on est journaliste à l'écrit, on sait ce que ça veut dire. Et la deuxième, ensuite, j'arrête là-dessus, mais elle dit, si on peut couper 10 lignes dans un article sans en enlever une idée, c'est qu'elles étaient de trop. C'est bon. Rigueur. Donc, rigueur et couper dans le superflu, toujours, toujours, toujours. Un style journalistique, bon, Bernard Pivot disait entre griffes et velours, mais très souvent, on disait aussi que c'était des coups de pistolet qu'elle donnait. Vraiment, une écriture parfois au vitriol. Faut lire son livre où elle reprend plusieurs des portraits qu'elle a fait, dont celui d'Orson Welles. En fait, je vous dis, allez voir ça. C'est terrible comment elle parle de lui, avec ses griffes. Alors, cette aventure à l'Express, ce sera pour elle vraiment une grande aventure. Ce sera aussi une aventure intimement associée à son compagnon de l'époque, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et il y aura séparation, et cette séparation va conduire à la fin de cette aventure pour elle. De fait, le début des années 60 marque un passage très difficile pour Françoise Giroux, Daniel Lorrain. Tout à fait. Donc, en fait, c'est à cause de cette rupture avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, JJSS, comme elle l'appelait. Donc, elle a vécu une grande passion amoureuse avec cet homme-là, une grande passion intellectuelle aussi. Quand ils se sont rencontrés en 1951, il avait 26 ans, elle en avait 35, lui était marié. Ils ne se sont jamais mariés, mais ils ont eu une relation de longue date, vraiment. Peu avant leur rupture, elle avait 42 ans, elle a fait une fausse couche, elle a appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et entre-temps, lui la quitte pour une jeune journaliste arrivée au journal. Il se marie avec elle. Elle ne le prend pas. Elle va se mettre à écrire des lettres anonymes d'insultes, de menaces à lui, à sa nouvelle épouse, à leur famille, et des lettres antisémites, etc. Elle va devoir avouer à son ancien amoureux que c'est elle qui l'a écrit. Il va la congédier et là, elle va faire une tentative de suicide. Ce sera très dur et elle va dire « Je m'en suis sortie grâce au travail, travail, travail » parce que après l'avoir congédié, il l'a réembauché au journal où elle est restée. Ensuite, elle a fait une psychanalyse avec Jacques Lacan qui l'a aussi beaucoup aidé à s'en sortir. Ouais. Arrive au milieu des années 70, cette décision importante, elle décide, Françoise Giroux, de faire le saut en politique active. Et là, elle va également laisser sa marque comme secrétaire d'État à la condition féminine. On l'écoute parler de condition féminine, justement, mais quelques années avant d'entrer au gouvernement, dans un débat auquel elle participe à l'émission à Armes égales en 1970. Le problème est un peu différent. Je crois qu'il faut savoir si on peut parler de condition féminine, s'il y a vraiment quelque chose de commun entre la femme de 55 ans que son mari a abandonnée avec 3 enfants et qui n'a pas d'argent, et mademoiselle Brigitte Bardot. S'il y a quelque chose de commun entre la cultivatrice, il y en a des millions en France, et la femme magistrat, comme madame Simone Veil que nous avons vue tout à l'heure, je crois qu'il y en a 300 en France, 320. S'il y a quelque chose de commun entre la femme qui gagne 800 francs par mois, ou moins de 800 francs par mois, et il y en a 2 sur 3, et moi-même. Alors, je crois, en effet, qu'il y a quelque chose de commun qu'on peut appeler la condition féminine, mais il me paraît nécessaire de bien marquer une distinction. Il y a la condition biologique. Il y a le fait que nous appartenons toutes au sexe féminin. Et puis, il y a le sexe social, c'est-à-dire tout ce qui est plaqué sur la féminité, qui a été plaqué à travers les âges. Et ce sont là, alors, des différences véritablement artificielles. Ce sexe social, il nous colle à la peau. Et je le sens, monsieur, là, en face de vous. Je vais vous en donner un exemple. Nous ne sommes pas armes égales. Si je bafouille, si je me trompe, si je cite des chiffres faux, que dira-t-on après cette émission? On dira, ben voyons, bien sûr, les femmes, on ne peut pas compter sur elles. Il y a un autre domaine dans lequel nous ne sommes pas armes égales. C'est le domaine des apparences, et il est très important. Pour que le physique d'un homme compte, il faut qu'il soit vraiment très beau ou qu'il soit véritablement disgracié. Un homme, c'est un homme. Mais le physique d'une femme, elle en est totalement prisonnière, quel que soit ce physique. D'un homme, que dit-on quand il vieillit? Que son visage devient intéressant. Cela ne risque pas de m'arriver, monsieur. Que d'éloquence dans ce qu'on vient d'entendre. Ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre, Daniel Lorrain, sur la vision qu'a François Giroux de toute cette question de la condition féminine? En tout cas, ça nous dit qu'elle avait aussi un très grand sens de l'humour, oui. N'est-ce pas? Donc, elle a, écoutez, ça c'est un peu avant qu'elle devienne donc secrétaire d'État à la condition féminine en 1974, mais c'est une femme qui a elle-même failli avorter. Je vous ai parlé plus tôt de son fils Alain qui est mort dans une avalanche de ski. Elle ne se pardonnait pas sa mort, mais en fait, elle avait essayé par tous les moyens d'avorter, de perdre cet enfant-là. Donc, elle va ensuite toujours se montrer favorable face au libre choix en matière d'avortement. C'est une chose. Quand elle va devenir donc secrétaire d'État, il y a Simone Veil, justement, on en parlait, qui, elle, va être ministre de la Santé. Oui. Donc, elles sont parmi les rares femmes au gouvernement à ce moment-là. Simone Veil va s'occuper de la question de l'avortement, mais elle, que va-t-elle faire, François Giroux? Elle va créer un programme intitulé « 101 mesures en faveur des femmes ». Et ça va toucher à tous les domaines, par exemple, la lutte contre la discrimination, l'ouverture des métiers dits masculins pour les femmes, etc. Donc, elle sera là moins de 2 ans. Donc, elle n'aura pas le temps de faire tout ce qu'elle aurait souhaité, mais elle aura eu le temps de mettre en branle différentes choses qui, ouais, vont vraiment servir les femmes. Sous un gouvernement, c'est amusant de le signaler, de droite, alors qu'elle avait dit qu'elle voterait Mitterrand. En fait, elle a voté, semble-t-il, Mitterrand. Elle l'avait dit dans l'Express. Et donc, elle s'est toujours identifiée à la gauche à ce moment-là, dans le journal. Et voilà qu'elle est nommée par Valérie Giscard d'Estaing pour être secrétaire à la condition féminine. D'ailleurs, un poste qui n'existait pas, qu'on, oui, a créé pour elle. Donc, une période politique qui va durer quelques années au milieu des années 70, et puis il y aura son activité d'écriture. Au-delà du journalisme, ce sera une romancière, elle va écrire des essais, des biographies vraiment sur des femmes extraordinaires. La femme est toujours là dans ses préoccupations comme autrice. On s'arrête là-dessus, Daniel Lorrain. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Daniel Lorrain, journaliste littéraire, autrice de quelques ouvrages, entre autres 2 livres consacrés à Marguerite Duras. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.